c'est juste un échantillon, un genre de champignon hallucinogène. On veut 2-3 millions en espèces, nous sommes allergiques au chèque. Tu m'écoutes sur ton PC, tu laisses des traces sur ton clavier, AZERTY au fait. On vient chez toi, on mange, on boit, on se casse, tu diras merci au chef. Tu diras merci au chef, hein? Tu diras merci au chef. On vient chez toi, on mange, on boit, on se casse, tu diras merci au chef. Tu diras merci au chef, hein? Tu diras merci au chef. On vient chez toi, on mange, on boit, on se casse, tu diras merci au chef. J'arrive du 7-8, tranquille à la kiss. Petite beurette aux yeux, couleur cannabis. Tout je viens pour rien, les mecs t'attaquent à 10. Dans la banque, la directrice me tape la bise. Et tape la discute, t'inquiète pas, ça glisse. Mes dépôts d'argent provoquent des cataclysmes. Des fois je suis arrogant, je crois que c'est maladif. Tous les jaloux ont été finis à la pisse. C'est une question de temps avant que je fasse la diff. Quand j'écoute vos morceaux, je me fais chier, c'est comme une passe à 10. J'ai un avenir à bâtir, en attendant, venez les gars, on se casse à Agadir. Mon argent passe par la Suisse, suis gentil, c'est mythique, je mange deux ananas à la suite. Je te fais des feintes à la chavis, je te mène en bateau, impossible que ça chavire, hein. C'est juste un échantillon, un genre de champignon hallucinogène. On veut 2-3 millions en espèces, nous sommes allergiques au chèque. Tu m'écoutes sur ton PC, tu laisses des traces sur ton clavier, AZERTY au fait. On vient chez toi, on mange, on boit, on se casse, tu diras merci au chef. Tu diras merci au chef, hein. Tu diras merci au chef. On vient chez toi, on mange, on boit, on se casse, tu diras merci au chef. Tu diras merci au chef, hein. Tu diras merci au chef. On vient chez toi, on mange, on boit, on se casse, tu diras merci au chef. La vie est ainsi, je lâche pas l'affaire. J'ai trop d'inspi, j'espère ne pas la perdre. C'est la guerre, prenez pas la tête, qui a tort, qui a raison, j'ai pas fait une balle à terre. Mes gars sont fourrés dans des sales affaires, ils pourraient même t'embrouiller pour une salade verte. Ouais c'est chaud comme à Bastère, je veux un compte à l'assassin, le compte en manque à la serre. Si t'as pas le mental ici c'est pas la peine, c'est pas la mer à boire, balance ton corps à la Seine. H24 ça carbure à la 16, j'avais quoi 24, je payais des meufs à la chaîne. Trop d'histoire, on a le moral à la chaise. Je pars sur toi, je ressens pas la gêne. Si t'aimes ça, cours à la Fnac achète. Je m'en fous du trône, je veux m'asseoir, ramène-moi ma chaise. C'est juste un échantillon, un genre de champignon hallucinogène. On veut 2-3 millions en espèces, nous sommes allergiques au chèque. Tu m'écoutes sur ton PC, tu laisses des traces sur ton clavier, AZERTY au fait. On vient chez toi, on mange, on boit, on se casse, tu diras merci au chef. Tu diras merci au chef, hein. Tu diras merci au chef. On vient chez toi, on mange, on boit, on se casse, tu diras merci au chef. Tu diras merci au chef, hein. Tu diras merci au chef. On vient chez toi, on mange, on boit, on se casse, tu diras merci au chef. Je te l'ai dit, y'a du flow comme un palavas. La vie est grave, pas besoin de mecs à la basse. Le rap me sert de carapace. Venez les gars, on se baracate à Saint-Bardou à Caracas. On gratte aux acidicaux à la CAF. Tous les jours on mange au resto à la carte. Les fausses carapates quand je passe, les chaînes à boire, pourtant je suis pas la caravane. C'est juste un échantillon, un genre de champignon hallucinogène. On veut 2-3 millions en espèces, nous sommes allergiques au chèque. Tu m'écoutes sur ton PC, tu laisses des traces sur ton clavier, AZERTY au fait. On vient chez toi, on mange, on boit, on se casse, tu diras merci au chef. Tu diras merci au chef, hein. Tu diras merci au chef. On vient chez toi, on mange, on boit, on se casse, tu diras merci au chef. Tu diras merci au chef, hein. Tu diras merci au chef. On vient chez toi, on mange, on boit, on se casse, tu diras merci au chef.